cheek, cheek, cheek, cheek, cheek, cheek, cheek, cheek, cheek, cheek, cheek, cheek. Cécile, dis-moi, dis-moi, sors-moi, je suis sûr, je suis, dis-moi, sûr, sûr, dis-moi, je suis sûr, c'est moi, sûr. Sur des je suis sûr. dia, amor.